jamais pour dire que yo ka existé. On y doit à l'amour, hey, hey, qui ça tous les jours. Nous sommes à